Bonjour et bienvenue sur Besoin d'aide, la galaxie des services à la personne. Veuillez choisir le numéro correspondant au service dont vous avez besoin. Envie d'une soirée en amoureux? Vous cherchez quelqu'un qui pourrait s'occuper de vos enfants? Tapez 1. Vous avez besoin d'un chauffeur pour votre voiture lors de vos soirées arrosées? Tapez 2. Vous avez un dîner important et vous ne savez pas quoi cuisiner? Pour faire appel au service de notre société qui vous propose des plats livrés à domicile, tapez 3. Vous avez besoin d'un coup de main pour refaire quelques petits travaux dans votre nouvel appartement? Tapez 4. Un coup de mou? Une détresse passagère? Pouvons-nous vous être utiles? Notre plateforme de psychologues diplômés est joignable 7 jours sur 7. Tapez 5. Envie d'une nouvelle coiffure? Faites comme bon nombre de nos clients et demandez un coup de peigne. Tapez 6.